Vous écoutez France Culture. Short stories and poems. Nouvelles et poèmes. By Raymond Carver. De Raymond Carver. La trahison. Betrayal. Comme le mauvais crédit. Like bad credit begins with the fingers. Commence par les doigts qui mentent. The lies. Vous êtes docteur. Quand le téléphone se mit à sonner, il sortit précipitamment du bureau. Il était en pantoufles, pyjama et robe de chambre. Comme il était plus de 10 heures, ça ne pouvait être que sa femme. Quand elle était en déplacement, elle lui téléphonait chaque soir, toujours à cette heure tardive, après avoir bu quelques verres. Sa femme était acheteuse pour un grand magasin. Et elle était en voyage d'affaires depuis le début de la semaine. « Allô, chérie, » dit-il. « Allô, » répéta-t-il. « Qui êtes-vous ? » fit une voix de femme. « Et vous, qui êtes-vous » dit-il. « Quel numéro demandez-vous ? » « Un instant, » dit la femme. « Le 273-80-63. »« C'est bien mon numéro, » dit-il. « Comment l'avez-vous eu ?»« Je n'en sais rien, » dit la femme. « Je l'ai trouvé inscrit sur un bout de papier en rentrant du travail. »« Et qui l'avait noté ?» « Je ne sais pas, » dit la femme. « La babysitter, je suppose. Oui, ça doit être elle. »« J'ignore comment votre babysitter s'est procuré ce numéro, » dit-il, « mais c'est le mien, et il est sur la liste rouge. Je vous serai très obligée de le mettre au panier. »« Allô, vous m'entendez ?»« Oui, je vous entends, » dit la femme. « Bon. C'est tout, » demanda-t-il. « Il est tard et je n'ai pas que ça à faire. » Il ne voulait pas se montrer discourtois, mais il valait mieux ne pas prendre de risques. Il s'assit sur la chaise à côté du téléphone et dit « Je ne voulais pas être discourtois, c'est simplement qu'il est tard et que la manière dont mon numéro vous est tombé entre les mains me paraît préoccupante. » Il ôta une de ses pantoufles et se mit à se triturer les orteils. « Je n'en sais pas plus que vous, » dit-elle. « Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé inscrit sur un bout de papier sans autre explication. J'interrogerai Annette quand je la verrai demain, ma babysitter. Je suis désolée de vous avoir dérangé, mais je viens tout juste de trouver ce papier. Je n'ai pas bougé de la cuisine depuis mon retour du travail. » « Ça ne fait rien, » dit-il. « N'y pensez plus, vous n'avez qu'à le jeter et à l'oublier. Ce n'est pas un problème, ne vous en faites pas. » Il fit passer l'écouteur d'une oreille à l'autre. « Vous avez l'air gentil, » dit la femme. « Vraiment ? C'est bien aimable à vous de me dire ça. » Il aurait dû raccrocher à présent, il le savait. Mais cela lui faisait du bien qu'une voix, même si ce n'était que la sienne, brisa le silence de la pièce. « Oui, vous êtes gentil, j'en suis sûre. » Il lâcha son pied. « Ça vous ennuierait de me dire votre nom, » dit-elle. « Je m'appelle Arnold. Et votre petit nom, Arnold, c'est mon prénom. « Oh, pardon, » dit-elle. « Votre prénom est Arnold. Et votre nom de famille, Arnold, c'est quoi votre nom de famille ?»« Vraiment, il faut que je vous quitte. »« Allez quoi, bon sang, Arnold ? Moi, c'est Clara Holt. Et votre nom à vous, c'est Monsieur Arnold comment ?»« Arnold Breit, » laissa-t-il échapper. Et dans le même souffle, il ajouta « Clara Holt, c'est joli comme nom. Mais il faut vraiment que je raccroche à présent, Miss Holt. J'attends un coup de fil. »« Excusez-moi, Arnold, » dit-elle. « Je ne voulais pas vous causer un contretemps. »« Ce n'est pas grave. J'ai eu plaisir à vous parler. »« C'est gentil de me dire ça, Arnold. Ne quittez pas, voulez-vous ? J'ai quelque chose à vérifier. » Il retourna dans le bureau, se choisit un cigare, l'alluma posément à l'aide du briquet de table, puis il retira ses lunettes et s'examina dans la glace au-dessus de la cheminée. En revenant au téléphone, il craignait un peu qu'elle ne fût plus là. « Allô ? Allô, Arnold, » dit-elle. « Je me disais que vous auriez peut-être raccroché. Oh non ! Pour ce qui est de la manière dont mon numéro vous est parvenu, ce n'est pas la peine de vous en faire. Vous n'avez qu'à le jeter, voilà tout. C'est entendu, Arnold. Bon ? Eh bien, je vais vous dire adieu alors. Oui, bien sûr, dit-elle. Eh bien, bonne nuit. Il l'entendit respirer un grand coup. Je sais bien que j'abuse de votre bonté, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver quelque part pour bavarder, Arnold ? Rien qu'un petit moment. C'est impossible, je le crains. Rien qu'un petit moment, Arnold. Avoir trouvé votre numéro et tout, ça me fait une sacrée sensation, Arnold. Je suis un vieil homme, dit-il. Oh non, vous n'êtes pas vieux. Si, si, je vous assure. On ne pourrait pas se retrouver quelque part, Arnold ? Je ne vous ai pas tout dit, vous comprenez ? Il y a autre chose, dit la femme. Qu'est-ce que vous insinuez ? De quoi s'agit-il au juste ? Allô ? Elle avait raccroché. Sa femme appela au moment où il s'apprêtait pour le lit. De toute évidence, elle était un peu grise. Ils devisèrent un moment, mais il ne lui parla pas du coup de fil précédent. Un peu plus tard, au moment où il défaisait le lit, le téléphone se remit à sonner. « Allô, Arnold Bray à l'appareil. » « Arnold, je suis désolée que nous ayons été coupés. Comme je vous le disais, je tiens beaucoup à vous rencontrer. » Le lendemain après-midi, au moment précis où il insérait sa clé dans la serrure, la sonnerie du téléphone retentit. Il laissa choir son attaché-case, se précipita vers la table du téléphone et souleva le combiné sans prendre le temps d'ôter son chapeau, son pardessus et ses gants. « Pardon de vous importuner à nouveau, Arnold, » dit la femme. « Mais il faut absolument que vous passiez chez moi ce soir vers les 9h, 9h30. Vous pouvez me rendre ce service, Arnold ?» Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsqu'il l'entendit prononcer son nom. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il. « Je vous en prie, Arnold. C'est important, sans quoi je ne vous le demanderai pas. Je ne peux pas sortir ce soir. Cheryl a la grippe et j'ai peur qu'elle la repasse à son petit frère. Et votre mari ?» Un silence. « Je ne suis pas mariée, » dit-elle. « Vous viendrez, n'est-ce pas ?»« Je ne vous promets rien. Venez, je vous en implore. » Ensuite, elle lui donna rapidement son adresse et raccrocha. « Venez, je vous en implore, » répéta-t-il, le combiné à la main. Lentement, il ôta ses gants, se débarrassa de son pardessus. Il se sentait d'humeur méticuleuse. Il alla faire sa toilette. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, il s'aperçut qu'il avait gardé son chapeau et décida aussitôt qu'il irait la voir. Il ôta son chapeau, retira ses lunettes et se savonna la figure. Ensuite, il s'inspecta les ongles. « Vous êtes sûr que c'est la bonne rue ? » demanda-t-il au chauffeur de taxi. « C'est bien elle, oui, et voilà l'immeuble. Ne vous arrêtez pas, vous me laisserez au prochain coin. » Il régla la course. Les balcons étaient éclairés par les lumières des étages supérieurs. Il discernait les jardinières fixées aux balustrades et çà et là des meubles de jardin. Un gros homme en gilet de peau accoudé à l'un des balcons le regarda s'approcher de l'entrée. Il appuya sur le bouton « C-Holt ». La porte bourdonna. Il la poussa et pénétra dans le hall. Il monta l'escalier sans hâte, en faisant une pause à chaque palier. Il se souvenait de cet hôtel au Luxembourg, ces 5 étages que sa femme et lui avaient gravis bien des années plus tôt. Tout à coup, il éprouva une douleur au côté. Il imagina son cœur, imagina ses jambes qui se dérobaient sous lui, imagina qu'il dégringolait avec fracas jusqu'au pied de l'escalier. Il sortit son mouchoir et s'épongea le front. Ensuite, il retira ses lunettes et en essuya les verres en attendant que son cœur s'apaise. Il inspecta le couloir dans les 2 sens. L'immeuble était extrêmement tranquille. Il s'arrêta devant chez elle, ôta son chapeau et frappa un coup discret à la porte. Le battant s'entrebâilla et une fillette rondouillarde parut à ses yeux. Elle était en pyjama. « C'est vous, Arnold Braith ?» dit-elle. « Oui, c'est moi, » dit-il. « Ta maman est là ?»« Elle m'a dit de vous faire rentrer. Elle est allée chercher du sirop pour la toux et de l'aspirine à la pharmacie. C'est ce qu'elle m'a dit de vous dire. » Il referma la porte derrière lui. « Comment t'appelles-tu ? Ta mère me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas. » Comme la fillette ne disait rien, il fit une seconde tentative. « C'est quoi ton nom ? Ça ne serait pas Shirley ? Cheryl, » dit-elle. « C-H-E-R-Y-L. Ah oui, ça me revient à présent. Je ne suis pas tombée loin, reconnais-le. » Elle alla s'asseoir sur un pouf à l'autre bout de la pièce et le regarda. « Alors comme ça, tu es malade, » dit-il. Elle fit un signe de dénégation. « Non, tu n'es pas malade ?»« Non, » dit-elle. Il regarda autour de lui. L'éclairage de la pièce était assuré par un lampadaire en métal doré dont le pied supportait aussi un porte-revue et un cendrier de grande dimension. Un poste de télé était adossé au mur du fond. Il était allumé, mais le son était réglé sur le minimum. Un couloir exigu menait vers l'arrière de l'appartement. L'air surchauffé était imprégné d'une odeur médicamenteuse. La table à café était jonchée de bigoudis et d'épingles à cheveux, un peignoir rose gisait en travers du divan. Son regard revint se poser sur la fillette, puis il se déplaça vers la cuisine d'où une porte-fenêtre donnait sur le balcon. Elle était entrouverte, et il sentit un frisson glacé lui remonter le long de l'échine, en songeant au gros homme en gilet de peau. « Maman revient tout de suite, » fit la fillette, comme si elle s'était subitement réveillée. Il se pencha en avant et la fixa des yeux, en appui sur ses orteils, le chapeau à la main. « Je crois que je ferais mieux de partir, » dit-il. Une clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et une petite femme pâle au visage constellé de taches de rousseur fit son entrée. Elle tenait un sac en papier. « Arnold, je suis ravie de vous voir !» Elle lui jeta un coup d'œil rapide et gêné et se dirigea vers la cuisine avec son sac en papier en dodelinant étrangement de la tête. Une porte de placard claqua. Assise sur son pouf, la fillette observait Arnold. Il fit passer le poids de son corps d'une jambe sur l'autre, puis il coiffa son chapeau et le retira aussitôt en voyant la femme reparaître. « Vous êtes docteur ? » lui demanda-t-elle. « Non, » répondait-il étonné. « Non, je ne suis pas docteur. C'est que Cheryl est malade, voyez-vous. Je suis allée lui acheter des trucs. Pourquoi tu n'as pas pris le manteau du monsieur ? » ajouta-t-elle en se tournant vers l'enfant. « Ne lui en veuillez pas, Arnold. Nous recevons si rarement. » « Je ne peux pas rester, » dit-il. « À vrai dire, je n'aurais pas dû venir. »« Asseyez-vous, voyons. On ne peut pas parler comme ça. Je vais lui donner son médicament, ensuite on pourra bavarder. »« Non, vraiment, il faut que j'y aille, » dit-il. « Au ton de votre voix, j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'urgent, mais il faut que j'y aille, vraiment. » Il regarda ses mains et s'aperçut qu'il avait remué les doigts tout en parlant. « Je vais mettre de l'eau à chauffer pour le thé, » dit-elle, comme si elle n'avait rien entendu. « Ensuite, je donnerai son médicament à Cheryl et après, on pourra bavarder. » Elle prit la fillette aux épaules et la pilota vers la cuisine. Il la vit s'armer d'une cuillère, déboucher un flacon après en avoir consulté l'étiquette et mesurer deux doses du produit. « Maintenant, dis bonne nuit à Monsieur Braith et va-t'en dans ta chambre, ma chérie. » Il adressa un signe de tête à la fillette et suivit la femme dans la cuisine. Elle lui désigna une chaise. Mais il en choisit une autre, d'où il avait vu sur le balcon, le couloir et la minuscule salle de séjour. « Vous permettez que je fume un cigare ? » demanda-t-il. « Mais faites donc, Arnold. La fumée ne m'incommode pas, enfin, je ne crois pas. » Il jugea qu'il valait mieux s'en abstenir, posa ses mains à plat sur ses genoux et prit une expression grave. « Je suis dans la plus complète perplexité, » dit-il. « Tout cela est bien inhabituel pour moi, je vous assure. Je comprends, Arnold, » dit-elle. « Je suppose que vous aimeriez que je vous raconte comment votre numéro est arrivé jusqu'à moi. »« En effet, » dit-il. Ils étaient assis l'un en face de l'autre et attendaient que l'eau se décide à bouillir. Le son de la télévision lui parvenait de la pièce voisine. Il promena son regard sur la cuisine, puis le dirigea à nouveau vers le balcon. L'eau se mit à frémir. « Vous alliez m'expliquer pour le numéro, » dit-il. « Pardon, Arnold ? Excusez-moi, » dit-elle. Il se racla la gorge. « Racontez-moi comment vous vous êtes procuré mon numéro, » dit-il. « J'ai interrogé Annette, la babysitter, mais vous le savez, bien sûr. Quoi qu'il en soit, elle m'a dit que le téléphone avait sonné en mon absence et que quelqu'un m'avait demandé. On lui a donné un numéro à rappeler, c'est le vôtre qu'elle a noté, je n'en sais pas plus. » Elle fit tourner sa tasse vide devant elle. « Je regrette, mais c'est tout ce que je puis vous dire. »« Votre au bout, » dit-il. Elle sortit des cuillères, du lait, du sucre et versa de l'eau bouillante sur leur sachet de thé. Il sucra son thé et le remua. « Vous m'avez dit qu'il fallait que je vienne de toute urgence. »« Oh, ça, Arnold » fit-elle en détournant les yeux. « J'ignore ce qui m'a poussé à vous dire ça, je ne sais vraiment pas à quoi je pensais. »« Donc, il n'y a rien, dit-il ? » ?»« Non. » »« Ou plutôt, oui. » Elle secoua la tête. « Enfin, c'est comme vous dites, quoi, il n'y a rien. » « Je vois, dit-il. » Il continua à touiller son thé. « C'est insolite, dit-il au bout d'un moment, comme se parlant à lui-même. « Tout à fait insolite. » Il eut un semblant de sourire. Puis il écarta sa tasse et s'effleura les lèvres de sa serviette. « Vous n'allez pas partir, dit-elle. « Il le faut, dit-il, j'attends un coup de fil. « Restez encore, Arnold. » Elle repoussa sa chaise et se leva. Ses yeux d'un vert pâle, enfoncés dans son visage livide, étaient soulignés de cernes qu'il avait d'abord pris pour du fond de teint trop sombre. Honteux de lui-même, sachant qu'il s'en voudrait de sa bassesse, il se leva et lui entoura gauchement la taille de ses bras. Elle se laissa embrasser. Ses cils battirent et elle ferma brièvement les paupières. « Il se fait tard, dit-il, en la lâchant et en détournant d'elle son regard vacillant. « Vous avez été très charmante, mais il faut que je me sauve, Miss Holt. Merci pour le thé. « Vous reviendrez me voir, Arnold ?» lui dit-elle. Il secoua la tête. Elle le raccompagna à la porte et lui tendit la main. Le son de la télévision était nettement audible. Quelqu'un avait augmenté le volume, il en aurait juré. C'est là qu'il se souvint de l'autre enfant, le petit frère. Où était-il ? Elle prit sa main, l'effleura d'un rapide baiser. « Vous m'oublierez pas, hein, Arnold ?»« Mais non, dit-il. Clara, dit-il. Clara Holt. Quelle bonne discussion on a eue !» dit-elle en cueillant quelque chose du bout des doigts, fil aux cheveux sur le col de sa veste. « Je suis contente que vous soyez venue et je suis certaine que vous reviendrez. » Il la dévisagea avec attention, mais à présent, son regard était perdu dans le vague, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. « Bon, eh bien, bonne nuit, Arnold, » dit-elle. Et là-dessus, elle lui ferma la porte au nez, manquant de peu le bas de son pardessus. « Bizarre, » se murmura-t-il, en entamant la descente de l'escalier. Arrivé sur le trottoir, il avala une grande goulée d'air et se retourna pour examiner la façade de l'immeuble. Mais il fut incapable de repérer son balcon parmi tous les autres. Le gros homme en gilet de peau se déplaça imperceptiblement le long de la balustrade et continua de l'observer. Il s'éloigna, les mains enfouies dans les poches de son pardessus. Lorsqu'il arriva chez lui, le téléphone sonnait. Il se pétrifia au milieu du salon, sa clé à la main, et il attendit que la sonnerie s'arrête. Ensuite, d'un geste très tendre, il se posa une main sur la poitrine et il sentit son cœur qui palpitait à travers les couches de vêtements. Au bout d'un certain temps, il se remit en mouvement et parvint à gagner la chambre. Le téléphone se remit à sonner presque aussitôt et cette fois, il décrocha. « Arnold, Arnold Bray est à l'appareil, dit-il. « Arnold ? Mon Dieu, que tu es donc protocolaire ce soir !» s'exclama sa femme d'une voix narquoise. « Voilà plus d'une heure que j'essaie de te joindre. Tu étais parti faire la bringue, Arnold ?» Il resta muet. Le timbre de cette voix l'interloquait. « Tu es là, Arnold ? » dit-elle. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Adultère. Adultery. Ce samedi-là, au matinée, nous regardons la mélodie de bonheur. Ton manteau posé sur le siège vide à côté de moi. Ta main sur ma cuisse. Nous voilà transportés en Autriche. Là-bas, quelque part au bord du Rhin, dans l'un de ces charmants vieux villages, nous pourrions vivre en paix pendant 100 ans. Plus tard, Tu mets ton tablier. Tu me prépares une tasse de thé avec un zeste. À la radio, Herb Alpert et son Tijuana Brass jouent Zorba le grec. Nous saisissons aussi des bribes d'une conversation avec Dizzy Dean. Par terre, au pied du lit, un numéro d'Esquire. Frank Sinatra, entouré de briquets allumés, tacite. Et sous le cendrier, Maxime Gorky. Tu poses la tête sur mon bras et nous grillons une cigarette en parlant du lac Louise, du parc national de Banff, de la péninsule d'Olympique, endroit où nous n'avons été ni l'un ni l'autre. Dehors, un éclair de chaleur, les premières gouttes de pluie s'écrasent sur le patio. Écoute. Adultery. Sublime offrande du monde. A matinée that Saturday afternoon. Sound of music. Your coat on the empty seat beside me. Your hand in my lap. We were transported to Austria. There, somewhere along the Rhine, in any of these old beautiful towns, we could live quietly 100 years. Later, you put on an apron, fix me a cup of tea with a slice of lemon. On radio monitor, Herb Alpert and the Tijuana Brass play Zorba the Greek. We also overhear part of a conversation with Dizzy Dean. On the floor beside the bed, Esquire. Frank Sinatra, surrounded by flaming cigarette lighters. Tacitus, Maxim Gorky, under the ashtray. Your head on my arm. We smoke cigarettes and talk of Lake Louise, Banff National Park, the Olympic, Peninsula, places. Neither of us have been outside. Heat lightning. The first heavy drops of rain strike the patio. Listen. How splendid these gifts. Vous êtes docteur ? Lu par Catherine Tartarin. Poème lu par Lucie Harrison et Geoffrey Carré. Musique, Luc Arthénault. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Laurent Lancret, Marie Dupuis, Jean-Mathieu Zande. Vous êtes docteur ? Traduit par François Lasquin, édition Mazarine. Poème, traduit par François Lasquin, édition de l'Olivier. À demain pour une autre nouvelle de Raymond Carver.